La Roberto Carlos est sauvée. J'mélange Siroc et Guarana. Ma chaîne et mon poignet étaient bleués. J'ai la repu la Madonna. Tu sens sur la 27ème bougie. Enfonce les armées comme Jonah. Les gens qu'à derrière tu vas rougir. Y'a des sous des 11-43. J'emmène maman faire les boutiques. C'est ma meilleure amie, c'est mon pupille. Qu'on suit ni la raison ni la logique. Qu'on vit aller le pronostic. Longtemps que j'suis pas allé à l'église. Longtemps que j'suis pas parti voir papa. Si demain je tout puisse on me donne un fils, j'ferais que penser à s'il était là. Ansel, vroom vroom, drive by. Ça fait chuter le prix du mètre carré. J'suis ici chez moi, comme les mecs de chez moi. Tous dans mal garé. Ansel, vroom vroom, drive by. Ça fait chuter le prix du mètre carré. Grande les amis, plus ou moins proches. Y'a des prénoms barrés. Chance dans la trousse, doré dans la chose. Flingue dans les blousons, c'est qu'on n'est pas tous. Doré dans la tour, doré dans la fouille. Les liens qu'on a noués, grandis dans la fournette. Chance dans la trousse, doré dans la chose. Flingue dans les blousons, c'est qu'on n'est pas tous. Doré dans la tour, doré dans la fouille. Les liens qu'on a noués, grandis dans la fournette. Tête dure comme Charles Bronson, siphon transa. Petite logistique, véhicule déjà garé dans le bac. Oh, les petits ils ont rien, tu vas leur prendre quoi, leur apprendre quoi. J'ai confiance mais je vais recompter, trop la fin pour en lancer. Je respecte moi l'homme, depuis que j'ai un chien, regarde-moi bien. En vrai même en marrant, ici quitte le donne sans arrière-pensée. Sur la vie de ma mère, ce qu'on donne, c'est déjà bien petit enculé. J'ai un grand 45 comme Nicky, anonyme comme Eden Wiki. D'euros dans le box au cas où, jalousie t'es contre nous. On arrive genre aux chaînes 8, c'est qu'on repart genre X. C'est qu'on nous félicite, c'est qu'on nous plébiscite. Tu vas flouter les têtes, ça pue l'illicite. Chasse dans la trousse, doré dans la chose. Flingue dans les blousons, c'est qu'on n'est pas tous. Doré dans la tour, doré dans la fouille. Les liens qu'on a noués, grandis dans la fournette. Chasse dans la trousse, doré dans la chose. Flingue dans les blousons, c'est qu'on n'est pas tous. Doré dans la